Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 88e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la réponse de Mohamed à Khalid que nous avons étudiée la semaine dernière afin d'observer les questions de grammaire qui sont nécessaires à sa bonne compréhension. Reprenons donc les deux répliques suivantes dans lesquelles Mohamed répond à la question de Khalid sur le nombre des prières qui sont accomplies quotidiennement par les musulmans. كم صلاة في اليوم يا محمد؟ في اليوم خمس صلوات. La réponse de Mohamed commence par la construction في اليوم dont nous avons déjà étudié la signification et les règles de déclinaison dans les cours précédents. Pour rappel, la particule du cas indirect في est invariable et implique que le nom اليوم soit décliné au cas indirect est marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. On trouve ensuite la construction khamsu salawat qui signifie cinq prières et qui est composée de deux éléments. Le nombre, al-adad, représenté par le nom khamsu qui correspond au chiffre 5, et le nom dénombré, al-ma'doud, représenté par le nom salawat qui est le pluriel du nom salah qui désigne la prière. Comme le nombre se situe entre 3 et 10, cette construction doit respecter trois règles en arabe littéraire. Premièrement, le genre du nombre, al-adad, doit être opposé à celui du nom dénombré. Comme le nom salawat est de genre féminin, le nom khamsu est indiqué sous sa forme du masculin. On doit donc bien dire ici khamsu salawat et non pas khamsatu salawat. Deuxièmement, le nom dénombré, al-mardoud, doit être indiqué sous sa forme du pluriel. On ne peut donc pas dire « khamsu salah », mais bien « khamsu salawat ». Troisièmement, le nombre doit être annexé au nom dénombré. Le nom « khamsu » est donc « mudaf », annexé, et ne peut par conséquent ni débuter par la particule « alif lam », ni terminer par le tanwin, la double voyelle. Le nom « salawat », qui remplit la fonction d'annexant, « mudafun ilayhi », est donc décliné au cas indirect, et sa terminaison est marquée par la voyelle kasra. Pour dire cinq prières, on dira donc khamsu salawatin. Fil yaumi khamsu salawatin. Il y a cinq prières par jour. Du point de vue de l'analyse grammaticale, cette phrase est une phrase nominale, jumlatun ismiya, et doit donc obligatoirement comporter un sujet, al-mubtada, et une information, al-khabar, qui vient compléter le sens de la phrase. Dans cette phrase, c'est le nom « khamsu » qui remplit la fonction de « mubtada », le sujet de la phrase nominale. En effet, Mohammed s'exprime ici au sujet des cinq prières, et il vient informer qu'elles sont accomplies dans une journée. Et c'est donc la construction « fil yaumi » qui remplit la fonction de « khabar ». Le nom « khamsu » est donc décliné au cas régulier, et sa terminaison est marquée par la voyelle « dhamma ». Cette marque de déclinaison du cas régulier n'est cependant pas présente à la terminaison de l'information, al-khabar, car cette fonction est occupée dans cette phrase par la construction fil yaumi, qui est une pseudo-phrase appelée en arabe shibhu jumla. Enfin, vous remarquerez dans cette phrase que l'information fil yaumi est placée avant le nom khamsu, qui occupe la fonction de sujet de la phrase nominale, alors que de manière générale en arabe littéraire, al-mubtada est placée en début de phrase et précède son information, al-khabar. Cette inversion est ici causée par la présence simultanée de deux facteurs. Premièrement, le nom khamsu est indéfini puisqu'il est annexé au nom salawatin qui est lui-même indéfini. Deuxièmement, la construction fil yaumi est une pseudo-phrase. Dans cette situation, l'information, al-khabar, est donc obligatoirement placée avant le sujet de la phrase nominale. Fil yaumi khamsu salawat. De la même manière, on dira donc « على المكتب ثلاثة كتب » Il y a trois livres sur la table. « في الفصل عشر طالبات » Il y a 10 étudiantes dans la classe. Voilà pour aujourd'hui, ce 88e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, inshallah la semaine prochaine avec le 89e mini-cours dans lequel nous continuerons l'étude des répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohamed. Wassalamu alaikum.